Imneo. Imneo, votre émission dédicace sur Fréquence Vie. Imneo. Ta soirée de tous les vendredis, c'est sur Fréquence Vie, les 89.4 FM. Imneo, le symbole de notre communion fraternelle en Christ. Avant, io, j'étais menteur, io. Avant, io, j'étais voleur, io. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus, c'est le bon. Eh bien, si tu connais les paroles de ce cantique, la chante avec moi sur la radio Fréquence Vie. Avant, io. J'attends que quelqu'un me réponde là. Avant, io, j'étais voleur, io. Avant, io, j'étais menteur, io. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus seulement. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus seulement. Bonsoir à tous. Soirée Imneo, soirée témoignage des ténèbres à la lumière. Avant et maintenant, bienvenue, c'est Imneo, nous sommes vendredi. Vendredi 12 juillet 2019, si vous nous écoutez dimanche, eh ben ce sera la rediffusion. Plongez dans l'ambiance Imneo sur Fréquence Vie 89.4 FM, avec vous ce soir, Tao Daniel, attention à vos oreilles. Vos dédicaces sont reçues par SMS au 77 86 86 40, 77 86 86 40 ou le 45 45 50 02, 45 45 50 02, je le répète. Hein. Vos dédicaces ce soir sont attendues par SMS au 77 86 86 40, 77 86 86 40 ou encore au 45 45 50 02 et via l'application VoxM. Check your speakers. Aujourd'hui, vendredi 12 juillet, c'est une soirée témoignage. Avant, j'étais .. Aujourd'hui, je suis tata pour aider les amis à l'écoute de la radio Fréquence Vie. Oui, parce que c'est le week-end. Le week-end, ouais, avant, tu étais dans certaines situations là. Et puis aujourd'hui, tu es chrétien, Dieu t'a transformé. On veut entendre ça simplement. Pas plus d'une minute, hein, ouais, une minute maximum, on peut le dire. Et donc, ce sera au 22 44 34 34 tout à l'heure. Au 22 44, 2 fois 34 tout de suite. Je vous envoie un titre, hein. Tout à l'heure, j'étais en train de voir quelle musique je peux vous offrir pour lancer la soirée. Et j'ai trouvé les adorateurs. Vous avez le bonsoir du maître Ephraim Dadia et du docteur Dibril Mahdi, les adorateurs. Vous suivez Imneo, c'est tous les vendredis. Alléluia, on sort les mouchoirs et préparez-vous à nous appeler en direct au 22 44 34 34 22 44 2 fois 34 pour dire avant j'étais ceci, aujourd'hui je suis par la grâce de Dieu, Jésus m'a transformé, je suis cela. On peut pas rester. Même si le diable se lève contre moi, on peut pas gâter, on peut pas détruire, oh. On peut pas détruire ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, oh. On peut pas gâter. Même si le diable se lève contre moi, on peut pas. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Et pour ceux qui veulent souhaiter joyeux anniversaire à une personne, à une connaissance, envoyez-moi un texto simplement au 77 86 86 40 ou le 45 45 50 02. On peut pas détruire ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, oh. On peut pas gâter. Même si le diable se lève contre moi, on peut pas détruire. Assis à ma fenêtre, je repense à ma vie, une vie de misère. J'étais déjà mort, mais j'ai découvert Christ est mort à ma place et a fait de moi un héritier du Père. Viens dire merci à Dieu qui t'a transformé. Jésus-Christ transforme ce que Dieu a fait dans ma vie. On peut pas gâter. Bonsoir Youboukan. Jésus a fait pour moi. Bonsoir à Londri, mon coiffeur. Même si le diable. Bonsoir à Maman Nyango, Anda, Bobo Doumé. J'attends mon Acheke. On peut pas gâter. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, oh. On peut pas gâter. Le salut que Jésus m'a donné. On peut pas détruire les miracles qu'il a fait pour moi. On peut pas gâter, on peut pas détruire, on peut pas détruire. Ah oui, je chante un cantique nouveau parce que je suis une nouvelle personne. Jésus m'a transformé en emporte-soir sur la radio. 22 44 34 34, le téléphone sera ouvert dans quelques secondes seulement. Oui, il est déjà 19h05 là. Alors c'est une soirée témoignage. Avant, voici, j'ai reçu un texto et puis une auditrice qui nous a appelé là. Bonsoir, si à l'écoute de la radio Fréquence Vie, prend établissement à Morel, quoi, Diane et... Les vendredis à partir de 19h sur la radio, nous vous plongeons dans une ambiance week-end. Oui, pour vous aider à bien entamer ce week-end et à préparer les pas du dimanche. Et avec vous, comme tous les vendredis 19h, c'est Tao, Daniel, Tidi. J'ai des musiques à vous offrir, sera tout à l'heure. Et tout de suite, juste après les adorateurs, dans ce groupe-là, vous retrouvez Arnaud Migan, Papa John Migan. Je vous envoie Jésus est puissant. C'est Arnaud Migan. Il nous parle de la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui a transformé des personnes qui faisaient les chats noirs, tout ça. Et voilà, avant, on ouvre le téléphone au 2244-34-34, 2244, 2x34. Avant, quand mon mari m'envoyait faire les courses, le marché, je faisais la jurétienne, mais aujourd'hui, je suis transformé. Bienvenue sur la radio, Jésus est puissant, chanté par Arnaud Migan. Excellent week-end. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne pourrez intervenir qu'une seule fois. Et je rappelle que ceux qui m'envoient les textos, là, pensez à ces personnes à qui vous voulez faire une dédicace. Et puis envoyez-moi un seul texto parce que je reçois tellement de messages. Donc pensez-y à qui vous voulez penser tout simplement. Et puis vous m'envoyez un texto au 77 86 86 40 ou le 45 45 50. Jésus est puissant. Il a transformé un ancien brigand. Aujourd'hui, il est pasteur. Bienvenue dans la soirée des ténèbres à la lumière sur Fréquence Vie. C'est bien sûr, Emiléo. On se retrouve tous les vendredis 19h et dimanche 16h. C'est la rediff. 22 44 34 34. Un transformé nous appelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Tao Daniel. Bienvenue sur la radio Fréquence Vie. C'est Madame Yapon. Non, Madame Guessant. Madame Guessant, autant pour moi. Alors, nous vous écoutons, Madame Guessant. Oh, ce soir, j'aimerais dire merci à Dieu. Oui. De nous avoir gardé. Est-ce que Madame Guessant, vous avez compris en fait le thème de ce soir? Non, expliquez-moi. Ben d'accord, donc rappelez alors. Hein, je vous explique rapidement et puis vous me rappelez, d'accord? Ok. D'accord. Alors nous parlons des ténèbres à la lumière. Il faut donc appeler en direct pour les dédicaces. Envoyez-moi un texto. En direct, vous nous parlez de la transformation qui s'est opérée dans votre vie au niveau donc du caractère ou du comportement. Avant, j'étais peut-être voleur. Aujourd'hui, Jésus m'a transformé. On a besoin de ces témoignages-là en direct. Mais pour les dédicaces, envoyez-moi un texto ou simplement un message au 77 86 86 40 ou au 45 45 50 02. Mais en direct, c'est surtout témoignage. Avant, vous étiez comment? Et quand vous avez accepté Jésus-Christ, comment vous vous comportez maintenant? Merci, là. Ah, j'étais malade. Il m'a donné santé. Ah, j'étais malade. Jésus m'a donné santé. Moi, j'étais stérilé. Il m'a donné bébé. Je dis, j'étais stérilé. Allô, bienvenue, transformé. Salut, frère Béni. Le frère? Béni. Béni, d'accord, bienvenue sur la radio. Le frère Béni, hein, transformation. Nous t'écoutons, Béni. Ah, faut dire que franchement, avant, j'étais beaucoup bagarreur. Tu étais beaucoup quoi? Bagarreur, la bagarre. Bagarreur? Oui, par là, par ci, par là, toujours c'est mon nom. Mais aujourd'hui, Jésus m'a transformé. Amen, amen, amen. Alors, comment est arrivée cette transformation? C'est un coup ou bien c'est petit à petit de façon progressive? Franchement, pour moi, je peux dire que ça a été un coup. Un coup, quelqu'un t'a frappé ou bien? Non. On ne m'a pas frappé, en fait. J'ai réalisé que la violence ne résout aucun problème. Ok. Voilà. Parce que je croisais quelqu'un en face de moi qui était, je te dis, aussi pacifique que de l'eau. Donc ça m'a tellement découragé. Ouais, j'imagine. J'imagine. Souvent, tu as envie de réagir. Et puis quand la personne en face de toi était douce, yo, tu jettes l'éponge, hein. C'est vrai. D'accord. Alors, quand cette transformation-là est intervenue dans ta vie, comment les gens autour de toi ont commencé à te voir, à te regarder? Parce qu'ils t'ont connu comme un bagarreur. Exact. Oui, donc quand tu as reçu cette transformation-là, comment on te voyait maintenant? Bon, on m'appelait le pasteur. Du pasteur? Dis bagarreur au pasteur, ce sont les mêmes rimes, un pasteur-bagarreur. Mais là, c'est bon. Pasteur, c'est bon. C'est bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que Benny fait dans la vie maintenant, là? Il est pasteur ou pas? Bon, je suis dans l'élan des pasteurs. Dans l'élan des pasteurs, d'accord, d'accord. Merci, Benny. Hey, chat noir, il dit avant là, je dormais, je quittais ma femme, je me retrouvais chez la bonne, mais Jésus m'a transformé. Arnaud Migan. Et notre premier transformé, Béni, nous disait avant il était bagarreur, mais aujourd'hui il est un homme pacifique, quoi. Allô? Allô, bonsoir, le très très révérend Bishop Sarbisien. Comment il s'appelle, mon frère? Hey! Dieu donné Dagan. Ah ouais. Comment tu vas, cher ami? Ça va très bien. D'accord. J'ai l'impression que tu es loin ou c'est le niveau de... Non, je suis au magasin. D'accord. Bienvenue sur la radio, mon frère transformé. Alors, parle-nous de ta transformation. Oui, vraiment, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Amen. Et Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Et moi, j'étais vraiment malade. J'étais malade du sexe. Malade du sexe, oui, je vois. Voilà. Vraiment. Comme je t'avais maudit, en fait, avec ça. J'étais possédé par ça. Je ne pouvais pas passer une journée sans me masturber. Wow. J'étais vraiment esclave de la masturbation. Mmh. J'étais vraiment esclave du sexe. Oui. Ce que je dis, vraiment, si mes parents étaient ici avec moi, ils peuvent témoigner. Mmh. Vraiment, j'étais un poids, un souci pour ma famille. Wow. À cause de ce mal. Mmh. J'imagine. Malgré que j'allais à l'église, mais j'avais cette possession en moi. Wow. Malgré que je chante à l'église, j'avais cette possession. Et je cherchais la solution. Oui. Parce que chaque fois que je finis de commettre l'acte, je regrette. Oui, c'est ça, en fait. Dans ton fort intérieur, il y a une tristesse, en fait, qui s'empare de ton âme. Oui. Je pleure. C'est quand le dimanche s'approche, j'ai fait l'effort de me maîtriser, peut-être... Samedi le vendredi. Oui. Et après, le dimanche, je retombe dedans. Wow. Je retombe dedans. J'ai fait la discipline plusieurs fois. Mm. J'ai fait la discipline de 9 mois, 2 fois. Mais cela ne m'a pas changé. Elle va transformer. Dieu m'a fait grâce. D'accord, affaire-nous là. Comment est survenue ta transformation? Oui, vraiment, c'est lors d'un programme au campus. Oui. En ce moment, j'étais encore à l'université. À l'université, d'accord. Voilà, c'est lors d'un programme. Il y avait un pasteur qui était invité. J'ai assisté à ce programme-là. Et banalement, ce jour, vraiment, était mon jour de transformation. Yes! Il y a un jour pour toi qui est à l'écoute de la radio Fréquence Ville. Un jour, ouais. Et à partir de ce moment, franchement, les choses ont changé dans ma vie. Aujourd'hui, je vis seul. Je suis seul, je ne suis pas avec les parents. Les parents ne me contrôlent plus. Mais franchement, je peux pas. J'ai la possibilité de chercher encore les femmes comme je veux. Je suis seul. Effectivement. Mais franchement, aujourd'hui, je peux dormir à côté d'une femme sans que rien ne se passe. Waouh! Jésus t'a transformé! Dieudonné Dagan! Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Amen! Alors, voilà, Dieudonné Dagan, avant que tu ne partes, pardon, donne un message à ceux qui sont encore dedans, là, à l'écoute de la radio Fréquence Vie. Bon, ce que j'ai à dire pour ceux qui sont encore dedans, vraiment, c'est de se repentir. Parce que la Bible a dit quoi? Que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Yes! Les impudiques ne mériteront pas le royaume des cieux. Si seul quelqu'un perdu dans ça, s'il meurt dans ça, vraiment, ça ne sera pas bon pour lui. Et puis, ça n'arrange pas même sa personne. Ça détruit sa personne. Ça te détruit toi-même. Amen. Il faut désirer changer de vie. Et je pense que Jésus-Christ est fidèle pour transformer la vie de cette personne. Amen. Vouloir, c'est pouvoir. Voilà. Merci, Dieudonné Dagan. Bonsoir chez toi. Voilà, mesdames et messieurs, là, nous recevons à l'instant Dieudonné Dagan qui parlait de sa transformation. Avant, accro du sexe, masturbation, femme, tout ça. Aujourd'hui, c'est fini. Après une prière, vraiment, là. Merci, Dieudonné Dagan. Hey! Alors, pour toi qui es encore dedans, je t'envoie quelqu'un qui va te nettoyer un peu les oreilles. C'est un jeune homme que j'aime bien. On se donne rendez-vous tous les samedis matin. Là. C'est avec lui que je commence la rubrique « On se nettoie les oreilles ». Blessing K2. Souvent, tu es à l'écoute de la radio Fréquence Vie, mais toi, tu t'amuses encore dedans. Il te dit, tu penses que Jésus, c'est ton camarade, quoi. Prends la résolution de changer de vie pendant que tu pars à l'église. Demande à Dieu de te transformer, il peut le faire. Transformation ce soir sur la radio de la lumière, des ténèbres, pardon, la lumière. Moi, laisse-moi, mais puis pas au Jésus revient bientôt, hein. Appeler de Jésus, c'est pas possible. Soit tu fais, soit tu... Permettez-moi de lire les textos que j'ai reçus. Avant, j'étais dans le koumianisme. Aujourd'hui, Jésus m'a transformé. Je suis sa servante. On est ensemble. Missionnaire Kodjo Lili. Il fait décaler, il va faire quoi sur la zone. Donc quand on vous parle des réveils spirituels là. Bonsoir monsieur, c'est Junior. Je vais donner ma vie au Christ, mais je n'y arrive pas. Comment vous aider? Je t'envoie un numéro tout à l'heure, mon frère Junior, d'accord? On n'est pas Dieu pour te juger, mais toi-même ce que tu fais là, est-ce que c'est sérieux? Il faut pas la voix suffisante. Je réponds au nom de Liazéré Jonathan. J'aimerais dire merci à Dieu. J'étais vraiment malade. Et en trois jours, le troisième jour, et ce vendredi, Dieu m'a remis sur pied. Gloire s'arrondit à Dieu, merci. Là, il était malade aujourd'hui, il a guéri. Bonsoir Radio Fréquence Vie. Moi, j'étais un drogué et fumeur. Aujourd'hui, Jésus-Christ a changé mon comportement d'accro en évangéliste. C'est de la part de notre frère Vénance. Donc si j'étais offensé, frère Sam, pardon, faut m'excuser. Mais non, musicien de l'église là. 22-44-34-34, des ténèbres à la lumière, c'est sur Fréquence Vie dans l'émission Hymnéo. Nous vous attendons. Votre comportement avant, c'était comment? Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, la transformation, on a besoin de cela. Pour ceux qui sont à l'écoute de la radio ce soir là. Hello! Mais c'est que j'ai déjà lu votre texto là! Allez-y au palais de la Chine! J'ai déjà lu ou bien vous voulez le dire en direct? Je vais le dire en direct! D'accord, d'accord, on y va donc! Oui, autrefois, comme tout le monde le sait, c'était une communisme! Oui! J'ai dansé le défi! Et Jésus, il a fallu un seul jour! Un jour! Une seconde! De minutes d'infraction! Il m'a délivré. Alléluia. Et moi, j'allais tout le temps chez les pétitions, chez les marabouts. C'était mes amis. Je dormais même dans la maison des fétiches. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis que le Seigneur m'a délivré, c'est que soit vents et marées. Jésus s'y fait, maman attaque en bas de l'eau. Elle n'a pas été créée à l'image de Dieu. C'est elle qui me faisait faire des bêtises. Ouais. Et cette femme-là, Dieu va la punir, parce qu'elle va. Sa destination, c'est dans le feu. Elle va brûler. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a racheté. Amen. Il m'a lavé, m'a nettoyé, je suis devenu sa servante. Yes. Parce que j'ai été créé à l'image de yes. Dieu. Voilà. Yes. Vois, yes. Comme tu as vu Dieu. Il a les pieds. Tout est bon sur lui propre. Maman, ta poêle, c'est à l'envers. Oui, oui. Et aujourd'hui, j'arrache les âmes dans la mer de cette femme mauvaise là. Amen, amen. Ah, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Yes. C'est pas facile, mais avec Jésus, on peut tout. Amen, amen, amen. Je suis heureuse. Je suis contente. Même quand ils parlent à la radio, les gens disent qu'ils vont t'inciter avec Jésus, ça c'est leur problème. Moi, je témoigne. Et ceux qui m'écoutent, d'autres, leurs parents sont dans ces choses là. Oui. Ils prennent mes contacts, les gens me visitent, me contactent. Et puis je vais croiser leurs parents qui sont amen. Pour les arracher dans la mer de l'Isse. Yeah. Parce que les gens ont peur. On dit si tu abandonnes, tu vas mourir. Tu vas devenir fou ou bien folle. Mais laisse-moi te dire, mon fils, quand tu accroches à Jésus, tu ne peux pas devenir folle ni fou. Yes, oh! Mais si tu abandonnes sans Jésus, ils vont te faire du mal. Amen. Merci, missionnaire Kodjo Lili, transformation des ténèbres à la lumière sur la radio Fréquence Vie. Et c'est une grâce, Zirech Akapela, c'est une grâce, hein, c'est une grâce. Tu peux toi aussi hein, bénéficier de cette grâce-là. Il faut revenir à Christ, tout simplement. Excellente soirée, merci d'être avec nous ce soir. Des ténèbres à la lumière, transformation, Jésus-Christ l'a fait. Il peut le faire aussi pour toi. Nous sommes une classe exceptionnelle. 22-44-34-34, pour ceux qui veulent nous raconter un peu comment ils étaient avant et Jésus-Christ les a transformés. On en parle ce soir sur la radio en direct, Fréquence Vie 89.4 FM. Et c'est Tao Daniel Tidi avec vous. Dans un jour, j'étais colérique, très timide au point où là où il y avait deux personnes, je ne passais pas. Aujourd'hui, je dirige des cultes. Je suis chantre et très à l'aise. Je sers l'Éternel, peu importe le nombre de personnes que j'ai en face. Rachel Kofi, ah ouais, bravo. Hello. Hello. 22-44-34-34. Transformation sur la radio. Des ténèbres à la lumière. Je suis privilégié. Et c'est une grâce. Et parce que c'est une grâce, quand nous voyons nos frères, nos sœurs dans notre communauté qui chutent, qui tombent, nous ne constituons pas des groupes pour rire de. On doit au contraire aller vers ces personnes-là pour les aider. Parce que c'est une grâce pour nous d'avoir été donc transformés par Jésus-Christ. Quand l'autre n'a pas encore reçu cette grâce, on ne doit pas rire de lui, les amis. Jésus a changé ma vie. Oh, oh, bonsoir, bienvenue sur la radio. Allô. 24-34-34. C'est une grâce pour toi. Merci à Benny, ancien bagarreur aujourd'hui. Ah ouais, Jésus l'a transformé. Merci à Dieudonné Dagon, à Kuro, à tout ce qui est sexe, masturbation. Aujourd'hui, Jésus-Christ l'a transformé. Merci à Missionnaire Kodio Lydia. Avant, les affaires de Mac, la canne, les communistes, tout ça était dedans. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ l'a transformé. Ma lumière. Hello. Bonsoir. Bienvenue sur la radio transformé. Quel est votre nom? Monsieur Zamblé. Monsieur Zamblé, nous vous écoutons. Zamblé, Jacques Zamblé. D'accord, monsieur Jacques Zamblé, nous vous écoutons. Avant, avec Pissuré, je partais voler. Avec les armes? Avec les armes blanches comme les machettes. Ok. J'étais à l'aéroport, à la frontière, j'ai volé américain, chinois, arabe, tout ce que j'ai trouvé, je volais. Wow. J'ai vendu aussi de la drogue. Ouais. J'étais chef de gang. Wow. Ma conversion en 89. 89. De 82 à 89. D'accord, pour ne pas vous interrompre, est-ce que vous n'aviez pas peur lorsque vous faisiez cela? Vous n'avez pas peur de la mort quelque part? Avec la PJ, à ce temps, j'étais à Pigan. Ok. Avec mes hommes, je les poursuivais. Wow. Je ne dormais pas. J'ai dormi à Bruce. Aujourd'hui, je suis un évangélique. Je suis devenu diacre. Je suis heureux. Mmh. Et je suis avec les autorités du pays à la table des rois. Amen. À cause de Jésus. Amen. Et la plupart, je témoigne partout. Amen, amen, amen. L'église partout. Mmh. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux-là même qui sont encore dedans, qui sont à l'écoute de la radio Fréquence Vie, monsieur Jacques Zamblé? Je leur dis comme ça que Jésus les appelle toujours. Amen. Et que l'amour qu'ils n'ont pas. En réalité, en 90%, ils n'ont pas l'amour. Oui. Oui. À cause des parents, on fuit la maison. Oui. Barrière de la société. Mmh. En quête d'amour. La haine. Oui. Tous ceux qui ont les âmes en main, c'est la haine. Donc, toi, tu as l'amour dans la main, il s'approche de toi. Amen. Donc, je pars souvent dans la forêt du Banco pour aller prêcher. Et j'ai envoyé d'autres comme ça. Dieu a permis qu'ils soient convertis. Amen, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Jacques Zamblé. Merci beaucoup à Jésus-Christ est puissant. Transformation en instant avec notre auditeur, là, monsieur Jacques Zamblé. Attention, plongez dans l'ambiance, les essors. Vous écoutez Fréquence Vie depuis 19h. C'est Tao Daniel Tidi avec vous, 19h-20h. Vendredi. Et ce soir, c'est une soirée témoignage des ténèbres à la lumière. On a déjà enregistré plusieurs personnes des textos. Vous pouvez vous aussi, hein, si vous tentez de nous joindre, vous n'y arrivez pas. Envoyez-moi un message au 77 86 86 40, 77 86 86 40 ou au 45 45 50 02. Voilà, pour ceux qui tentent de nous appeler en direct au 22 44 2 x 34. N'oubliez pas, à 19h30, on va souhaiter joyeux anniversaire à toutes nos connaissances. Hein. Et je vais penser déjà à la monitrice très faille, Laurette, c'est quoi, joyeux anniversaire tout à l'heure, on chantera pour toi là. Mais je vous envoie un autre évangéliste que nous retrouvons à Bassam. Il est jeune, il veut nous dire, délivrer un message. Il dit ceci, il est là. C'est vrai, tu passes par des moments difficiles où tu veux changer de vie. Tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me sauver? Jésus est là. On vous envoie Zaza Joseph. Il arrive maintenant pour tous les jeunes à l'écoute de la radio Fréquence Vie. Oh les gars, un gâteau au duo. Il y a soyez, il y a un jeune pour moi. Il a fait des Jésus là pour mettre ça comme ça. Ton ami, tu perds du nez. S'il arrive dans notre zone, c'est qu'on lui dit là. Faut nous laisser mouler. Nous aussi, on le disait, on parlait ainsi. Faut nous laisser draguer. Faut nous laisser draguer. Ah. Faut nous laisser vivre comme on veut. Profiter. Mais Jésus nous a transformés. Faut nous laisser planer. 22 44 34 34, pas nous de ta transformation en direct là, 22 44 ou 22 34, sinon envoie-nous un message. Une affaire de vieux. Nous on est jeunes, faut nous laisser couler. On a le temps après pour le prier. C'est quand c'est gâté, on tourne à gauche. Bonsoir Tidi, je viens de vous prendre en marche. Bonne émission, merci. Je n'ai pas le nom de celui qui m'a envoyé les textos là. Bonsoir, bonsoir. Je souhaite joyeux anniversaire à mon cœur, à mon chéri, à mon amour, à mon fiancé qui, Pré-Joël, qui a eu un an de plus le mercredi 10 juillet de la part de sa fiancée Estelle Kwame. Merci Estelle. Joyeux anniversaire à Ok Amida Sarah, c'était le lundi dernier. Jésus est là pour te transformer. Bonsoir. Allô. Allô. Bienvenue sur la radio. Quel est votre nom? Le frère. Le frère. J'ai du mal à l'entendre là, lui. Le frère Jean-Pierre. Le frère Jean-Pierre, d'accord. Tu m'appelles d'où, Jean-Pierre? Oui, je l'appelle de nouveau ici. À la Rivière à toi. D'accord. On t'écoute alors, JP. Je remercie beaucoup. Je remercie le Seigneur parce que. Moi, quand j'ai été converti, il me disait que je ne pouvais pas, je pouvais abandonner tout, mais je ne pouvais pas laisser affaire des femmes. Oui, ok. Ça me fatiguait beaucoup. Mm-hmm. Donc, quand j'ai été converti, ça n'a pas duré, on m'a consacré à l'église comme diacre. Comme diacre? Comme diacre à l'église. Wow, c'est passé rapidement, hein? Moi, j'ai demandé à mon papa, il dit, mais papa, moi, où je suis l'entraînement, ma vie, je sais que ma vie n'est pas sincère. Et puis, oui. Je suis consacré à l'église. Uh-huh. Et puis, papa m'a dit, non, que ça fait un mois, il prie, c'est Dieu qui vous a choisi. Moi, je n'avais pas compris. Okay. Et je continuais ma vie comme je voulais. Oui. Et il faut savoir que les samedis soir, nous sommes dans les bois de nuit, et puis dimanche, on a l'église. Wow. Et un jour, je me rappelle, nous, on passait devant pour nous donner le panier de l'offrande. Mm. Et j'étais devant, les gens venaient déposer l'argent. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a serré mon cou. Hein? Il a quelque chose a serré ton cou? Il a serré mon cou. Moi, ça fait 30 minutes, j'allais tomber. Wow. Et puis, il m'a lassé. Et puis, le Seigneur m'a rappelé que peut-être voir que tu es dessus, c'est pas bon. Mm-hmm. Donc, ça fait que Péra m'avait remarqué. Oui. Je n'avais pas abandonné ce voie-là. Je continuais toujours. Oui, tu m'as moi, okay. Je travaillais. Des fois, quand je travaille, je gagne l'argent. Donc, les samedis, je sors. Oui. Maintenant, chaque fois que je sortais, maintenant, le Seigneur ferme les portes. Je peux pas. Ça peut faire un mois, je ne peux pas gagner l'argent. En tant que je ne suis pas repenti à l'église, je vais être bloqué. Ah oui. Donc le Seigneur me montrait que, il me dit, comme de fois quand tu as l'argent, Seigneur, je remercie le Seigneur pour cela. Amen. J'étais tellement têtu. Si c'était un homme, j'allais pas me retenir de cette voie-là. Ça, c'est vrai. Et comme j'étais le Seigneur, oui. Moi, chaque fois que je sors, mes affaires bloquent. Amen. J'avais compris que cette voie-là, ce n'était pas bon pour moi. Mm. Parce qu'il fallait que j'abandonne. Amen. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Vraiment, ma vie en ordre avec Christ, je remercie. Je suis grâce à l'église, je suis heureux. Et c'est aujourd'hui, j'ai compris que vraiment, ce n'est pas l'homme de Dieu qui m'avait choisi, mais c'est lui-même qui m'avait choisi. Amen. Yes. Voilà, yes, yes. Merci en tout cas Jean-Pierre pour cette transformation. Merci pour l'histoire là. Ah ouais, ceux qui sont à l'écoute de la radio, vous avez entendu Jean-Pierre. Aujourd'hui, Jésus-Christ l'a transformé. Merci Jean-Pierre, à tout à l'heure. Mais voilà, donc mesdames et messieurs, on reprend tout à l'heure. Mais pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter à partir de 19h30 minutes, nous souhaitons joyeux anniversaire. Attendez, j'ai le nom ici. On veut souhaiter joyeux anniversaire à son fiancé Estelle Kwame. Souhaite joyeux anniversaire à son fiancé qui, Pré-Joël. Nous voulons souhaiter joker Amida Sarah qui nous écoute, qui est donc la narratrice de Côte à Côte, qui nous écoute à Yopougon. Souhaiter joyeux anniversaire notre monitrice Laurette. Si et quoi? Oh, je vous envoie quelque chose là, hein, pour mes amis. Do you happy birthday? Happy birthday. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday. Joyeux anniversaire à qui pré-Joël de la part de sa fiancée Estelle Kwame. Happy birthday à Ok Amida Sarah. Joyeux anniversaire à Laurette, si et quoi. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui ou dans cette semaine. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Joyeux anniversaire donc à qui pré-Joël de la part de sa fiancée Estelle Kwame. Joyeux anniversaire à Ok Amida Sarah. Joyeux anniversaire à Laurette Siekwa. Mais voilà donc, merci à tous ceux qui sont avec nous depuis 19h. On va souffler la bougie rapidement pour ses frères et sœurs. Il faut aussi prier pour ces personnes à les présenter au Seigneur. J'ai les noms, je vous les donne. Qui pré-Joël de la part de sa fiancée Estelle Kwame. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ok Amida Sarah et Laurette, c'est quoi? On souffle la bougie. Are you ready? 1, 2, 3. Joyeux anniversaire à qui pré-Joël de la part de sa fiancée, c'est quoi? Mais joyeux anniversaire à Ok Amida Sarah, c'était le lundi dernier. Joyeux anniversaire à Laurette, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Mais joyeux anniversaire à vous. Nous entamons la seconde partie de votre émission. Attendez, je reviens sur ma chanson là. Avant, io, j'étais voleur. Attends, je prends les noms là. J'étais bagarreur. Io, j'ai tout laissé pour marcher avec Jésus seulement. Avant, io, j'étais brigand. Io, j'ai tout laissé pour marcher avec Jésus seulement. Alors, les amis, lorsque j'étais, nous étions encore dans le groupe musical. Ouais, avant j'ai chanté, avant j'étais dans le groupe musical, je fais un peu de chorale. C'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est un tuyau que je vous danse là. Alors, on devait effectuer une sortie, tu vois, le groupe musical. Tout le monde chantait ce cantique là. Avant, tu vois, c'est l'ambiance. Io, tout le monde est dans la joie, c'est l'ambiance. Et puis, chacun a commencé à dire une chose. J'ai tout laissé pour marcher. Ah, tu vois, c'est chaud dans le car, là. Et il y a une fille qui a commencé à chanter. Avant, il faut nous voir répondre en chœur. Io. Elle dit, j'étais gazeuse. Quand elle a sorti le truc gazeuse. Bon, tu as vu que le io, là, était un peu faible. Et puis, elle poursuivait sa chanson. Hein. Je n'ai rien laissé pour marcher. Elle dit, hé. Qu'on se dise la vérité, vous tous qui avez chanté tout à l'heure là, si on veut bien fouiller, c'est pas sûr que vous avez tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Les moniteurs disent changer la chanson. Alors, tout simplement pour dire que il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont à l'écoute de la radio fréquence vie. Ah ouais. Comme cette demoiselle là, qui sont à l'église tous les dimanches, qui appartiennent à un groupe musical. Ils font des sorties d'évangélisation. Main. Comme le disait Jean-Pierre, il faisait tout ça, mais il ne laissait pas un côté. Tu es peut-être dans ce même cas-là. Nous voulons t'encourager à te tourner vers Jésus-Christ. Il peut te transformer, cher ami. Il peut te transformer. Il l'a fait pour plusieurs personnes. Il peut le faire aussi pour toi. Bienvenue dans l'ambiance Hymnéo. Et pour ceux qui veulent partager avec nous leur transformation, rejoignez-nous hein, en direct. Rejoignez l'ambiance Hymnéo au 22 44 34 34 22 44 34 34. Sinon, envoyez-moi un message au 77 86 86 40. 77 86 86 40. Tout simplement, je vous envoie Sylvain Nanégnon, Jésus-Mi. Avant, j'étais ceci. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a transformé. Jésus-Mi sur la radio. Sylvain Nanégnon arrive maintenant chez vous. Zoku Zipani Kouani Yoka. Zipani kwa eni nyonka o. Yeah! Et il est avec nous au Palais de la Culture. Lui, il connaît Fontali, Onelma, là. J'ai aperçu Lio et Edou aussi au Palais de la Culture le dimanche dernier à l'occasion de Glory avec Marcel Bongo, bien sûr. Alors, lors de ce concert-là, il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher, les amis. Ah, il nous a nettoyé les oreilles. Ouais, ouais. Il dit, en fait, que après les dernières analyses, les résultats ont prouvé que, côté religion, en Côte d'Ivoire, les chrétiens sont à 30%. Et les musulmans sont à 39%. Et puis, les restes, là, ce sont les sorciers. Bon, il n'a pas dit le truc. Mais il nous a dit, il est important. Et même si on veut fouiller encore parmi les 30% même, ceux qui sont réellement convertis, là, peut-être c'est 1%. Et bien voilà, c'est ça, nous voulons parler de transformation. Ceux qui ont été réellement transformés, appelez-moi maintenant là, au 22 44 34 34. Et quand tu passes, ça donne faim, hein. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore mangé là, je vous soutiens, hein, soutenez-moi aussi. Bonsoir à tous les bêtés. Je dédie le morceau de Zaza Joseph à tous les serviteurs et les servants de Dieu. Je n'ai pas votre nom, j'ai pas votre nom. Bonsoir, je me nomme Tano Lambert. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à ma fiancée Essimel Serge Flora. Que Dieu lui accorde une longue vie. Hey! Essimel Serge Flora, si tu as l'écoute de la radio, ton fiancé Tano Lambert veut penser à toi. Je vais chanter pour toi tout à l'heure, d'accord? Joyeux anniversaire à Essimel Serge Flora de la part de son fiancé Tano Lambert. Je dis merci à Dieu qui m'a délivré des ténèbres. Je n'arrivais pas à dormir. Mon sommeil était troublé. Mes résultats scolaires, franchement, ne sortaient pas à temps. Trop de problèmes aujourd'hui. Jésus-Christ m'a transformé et m'a sauvé. Merci. La joie de vie. Le 22-44, 34-34, excellent week-end. 22-44, 2x34. Et demain, à partir de 8h, je serai encore avec vous sur les ondes de la radio Fréquence Vie. Pardon, à partir de 9h. Et on parlera aussi d'un truc, là, les amis. Actuellement, avec cette histoire de Cannes, là, j'ai reçu quelqu'un ici dans les studios de la radio Fréquence Vie, un chrétien, qui disait non, franchement, avec cette histoire de la Côte d'Ivoire qui a perdu, là, ils m'ont fait perdre au moins 1 million, hein, donc ça fait que j'ai parié, mais c'est 600 000 francs que j'ai pu avoir. Attends, j'étais troublé en fait. Est-ce que le chrétien peut s'adonner à cela, quoi, tu vois? Bon, demain, on part sur Fréquence Vie à partir de 9h. Pour ceux qui veulent prendre l'angle avec nous, demain 9h, on pourra en parler sur la radio en direct. 22-44, 2x34, des ténèbres à la lumière. Tu étais comment avant Jésus-Christ a transformé? Comment tu vis cette transformation sur la radio? Vous suivez Ineo, c'est tous les vendredis. Intensément musique. Bienvenue transformé, quel est votre nom? Moi c'est Guerre Donald. Donald? Oui. D'accord Donald, parle-nous de ta transformation. Ma transformation, en tout cas, je suis vraiment ravi. En tout cas, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, oui, ça a changé. Et en tout cas, ce que je vois impossible maintenant est passé possible. Amen. En tout cas, je m'attache beaucoup à ces miracles qu'il a fait dans ma vie. En tout cas, les mystiques avaient déclaré que c'était impossible que même j'ai un enfant parce que c'était impossible que je me marie. Ok, et impossible que vous vous mariez, ok. Aujourd'hui, j'ai des enfants parce que je... Amen. En tout cas, je remercie le Seigneur pour beaucoup. Yeah. En tout cas, infiniment, merci. Et en tout cas, ce que j'ai à lui offrir, c'est de lui offrir toute ma famille et toute ma progéniture. Amen. Et sur ce, j'aimerais aussi poser une seule question et savoir, parce que bon, je suis chrétien, pas trop longtemps, mais ça me fatigue beaucoup. Oui. Parce que les chantres chantent, et puis bon, les hommes de Dieu aussi chantent. Parce que moi, quand je lis la Bible, je vois qu'un homme de Dieu, en tout cas, c'est un consacré, en tout cas, c'est un homme à part. Mmh. Et puis bon, ils vont se mettre à chanter, là, en tout cas, je ne pense pas ça trop bon, quoi. Du bon oeil, de bon oeil, d'accord, parce que c'est l'objet d'un débat le mercredi prochain sur Fréquence Vie. Donc, mercredi prochain, 19h, reste connecté, d'accord? D'accord. Oui, parce que j'en parlais même là pour dire, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui deviennent chantres? Est-ce que c'est on peut encourager cela? On en parlera le mercredi à partir de 19h, d'accord? Ok. Merci Donald, et puis salutations à ta famille. Hein. Ah, entre-temps, nous on danse là. Et quand tu es transformé, tu danses même. Parce que, quand tu te souviens. Quand je me souviens que Christ est mort pour moi. Bonsoir, Maman Tao, quand je me souviens. Alléluia. 22h44, 2x34, transformation des ténèbres à la lumière sur fréquence vie, c'est Inéo. Et on se donne rendez-vous tous les vendredis à partir de 19h. 22h44, 2x34, 22h44, 2x34. Avant, dans les ténèbres, c'était une fille. Et vraiment, elle aimait critiquer aujourd'hui, là. Non, elle n'est plus dans les histoires des critiques. Avant, tu étais comment quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est ta nouvelle attitude, ton nouveau comportement? On en parle ce soir sur la radio. Moi, c'est Apollinaire. Malgré dirigeant de culte, la masturbation, l'amour des mineurs me fatiguait. Même je commettais souvent des fellations de l'église, le temple. Waouh, mais j'ai pas. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a enlevé de cette vie-là. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Et puis Yako à mon mannequin Quadio Rebecca du groupe Il n'y a de meilleure vie qu'en Jésus-Christ là. Elle m'a envoyé un texto. Bonsoir Tidi, je viens de vous prendre en marche, bonne émission. Je dédie le morceau de Zaza Joseph à tous les serviteurs et servantes de Dieu. Pardon Rebecca Quadio, pardon. Est-ce que vous appréciez l'ambiance de ce soir? Attention à vos oreilles. Nous vous invitons à télécharger l'application Voxem téléchargeable sur Play Store et App Store. Je vous envoie tout à l'heure quelqu'un qui nous a envoyé un texto, un message vocal. Je vous diffuserai celui-là tout à l'heure. Mais voici une autre transformation. Ah, le frère! Attends, tu n'étais pas encore chrétien, tu n'étais pas encore converti. La fille, elle vivait avec toi, chez toi, à la maison. Tu es devenu chrétien depuis, il n'y a pas d'autre, rien. Mais c'est-à-dire, les dimanches, vous vous levez, quoi, vous suivez pour partir à l'église, tranquille, quoi. Ça ne frustre personne. Vous n'êtes pas choqué vous-même, quoi. Non. Les rossignols du Seigneur arrivent maintenant pour dire, enlève ton pied dans cette histoire de raccourci, là. Voilà, transformation, c'est aussi cela. Avant, tu ne connaissais pas Jésus-Christ, tu pouvais vivre ainsi. Mais, attends, tu es chrétien. Bon, la fille, là, Marie, là, en même temps, Joe. Et voilà, vivez dans la légalité. Je vous envoie les rossignols du Seigneur sur la radio. Crédit. Afin de raccourcir crédit, là, quittons dans ça. 22h44, 2x34. Salut, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il a changé ma vie. J'étais dans la débauche, l'alcool et les sexes. Aujourd'hui, je suis marié. Père de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je suis heureux. Ma petite famille fera 5 ans de mariage. Et c'est la grâce de Dieu. Je bénis son nom. Alléluia. 22h44, 34, 34. Ben nous sommes encore là. Et vous avez le bonsoir d'Abraham Kobri, là, de Grisport. Il a une chemise verte bizarre, là. C'est comme une luciole, quoi, la nuit. Quand il sort, c'est comme une luciole. 22h44, 34, 34. Des ténèbres à la lumière. On en parle sur la radio ce soir. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, via donc notre ligne directe 22 44 34 34, vous pouvez m'envoyer un message au 77 86 86 40, 77 86 86 40 ou 45 45 50 02. Ah, Avant, j'aimais faire les chats noirs, comme on le dit dans le langage ivoirien, mais Jésus-Christ m'a enlevé de cette vie-là. Merci beaucoup. J'ai pas votre nom, hein. Voilà, des ténèbres à la lumière, on en parle ce soir sur la radio Fréquence Vie 2244, 2x34, 2244, 2x34. Bonsoir, monsieur Yobo, et merci pour la bénédiction du samedi dernier. Et à fait de Garba, il est samedi passé, c'est trop bon. 2244, 34, 34, merci à monsieur Yobo. Bonsoir, c'est Thierry Gabo. Je veux souhaiter bonne soirée à Joël Azoussi et à la radio Fréquence Vie. Merci. Bienvenue transformé, identifiez-vous. Allô. Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. C'est bon, éloignez-vous de votre radio. Voilà, c'est bon. C'est bon, d'accord. Quel est votre nom? Moi, c'est Didier Kofi. Kofi, hein? Ouais, Didier. D'accord, d'accord. Nous t'écoutons alors. Parle-nous de ta transformation, mon frère. Là, je rends grâce à Dieu. Oui, parce que avant, j'étais vraiment un coureur de jupons, vraiment. J'étais un homme à sexe. Là, Jésus-Christ m'a fait grâce. Voilà. D'accord, mais est-ce que quand vous le faisiez, vous pensiez aussi au danger derrière? Comment? Est-ce que vous pensiez au danger derrière, quoi, avec les histoires de maladies, on en parle, mais là, vous, votre vie, c'était 100 à l'heure, là. Oui, oui. Mais là, je me suis abandonné totalement à Jésus-Christ. Là, je suis privilégié de toute maladie, voilà. Amen, amen. D'accord, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui sont encore dedans à l'écoute de la radio? Que Jésus-Christ est la solution. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Lorsque tu t'abandonnes à lui, esprit, corps et âme, il est le seul qui peut t'en délivrer. Amen. Amen. Merci beaucoup, là. Merci beaucoup. On encourage donc les jeunes à nous écouter, là. Merci, mon frère. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Vous écoutez Fréquence Vie 89.4 FM et l'émission c'est Hymne et Oh. Et depuis 19h, c'est Tao Daniel Tidi avec vous. Des ténèbres à la lumière, Jésus-Christ l'a fait. Elle aimait faire les jurétiens quand on l'envoyait faire le marché, mais aujourd'hui elle ne le fait plus. Il aimait tricher en classe, mais depuis qu'il est devenu chrétien, qu'il a compris que la tricherie, ce n'est pas de Dieu, il n'est plus dedans. Check your speakers. Ils aimaient se moquer, rire des uns et des autres dans l'église. La fille, elle est mal habillée et ils portent le même pantalon pour venir tous les dimanches. Mais quand ils ont rencontré Jésus-Christ réellement, ils ne sont plus dedans. Je vous envoie à présent, mesdames et messieurs, Eds. C'est un jeune dédicace à Ok Amida Sarah qui aime bien ce jeune homme. Eds, quel est ton bord? Dieu, tu es où au juste? Afin de Dieu, là, c'est pas forcé, oh. Avec ton Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec lui, soit tu ne l'es pas. Bienvenue transformé, vous êtes en direct là, quel est votre nom? Bonsoir Tao Daniel, my friend. Bonsoir King Jesse, bienvenue là. Bienvenue mon frère. Amen, amen, amen, nous t'écoutons. Wow, c'est merveilleux ça. Merci pour la parole d'abord. Merci à Jésus pour cette occasion qu'il me donne ce soir. Amen. Mon témoignage est tellement, vraiment, ma vie est tellement grave. Je ne sais pas où je vais commencer, frère. Pardon, King Jesse, c'est un point et puis la transformation. Parce que, par exemple, tu as commencé à parler là. C'est ça, même. Tu ne peux pas le faire en une minute. Donc, trouve la partie qui peut t'aider, qui peut nous aider, quoi. Tout ce qui est mal là, mais il me trouve dedans, en fait. Ah oui. Il y a une vie de débauche, de vol, vraiment les palabres. Il y a tel côté, les gars, les musulmans, tu connais, après, les gens, ils ont beaucoup violent, tout ça là. Il y a tout ça. Ah, tout ça, ouais. Voilà, vraiment, je remercie le Seigneur vraiment pour la transformation. Amen. C'est pas facile pour moi. Au début, c'était beaucoup compliqué. Oui, j'imagine. Je suis plus fatigué par rapport à tout ce qui m'a fatigué, par rapport à mon témoignage. C'est un peu les débauches là. Ça m'a tellement fatigué. Bon, je rends grâce au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, Dieu dans le Gumbi. Oui. Je me souviens, en 2013, c'était le mois de décembre. Là, on est fait à l'école des Seigneurs tous les matins qu'on fait là. Oui, à l'école du Seigneur. Il a fait une illustration par rapport à. C'était un thème de. Une des fabrications, en fait. Maintenant, il a dit qu'il y a. Si peu importe la beauté d'une femme, peu importe cette beauté de cette dernière, est-ce qu'il peut manipuler un corps qui est mort? Avec un corps qui est couché, qui est mort, est-ce qu'une femme peut le séduire? Ouais. Cette parole m'a frappé que non. Mm-hmm. Il doit mourir pour le Seigneur. Si je suis mort pour le Seigneur, aucune femme peut me séduire. Amen. Vraiment, le Seigneur m'a touché avec ses paroles. À yes. Chaque fois quand il y a les épreuves dans ma vie. Yes. Jusqu'à je suis allé. Oui. Yes, non, je t'écoute là. Oui, jusqu'à je suis allé, jusqu'à vraiment. Par parler de 2013 jusqu'à 2018, que je suis marié, vraiment, Dieu m'a fait la grâce. Amen. Vraiment, il est béni Dieu pour cet enseignement le matin là. C'était mon témoignage pour dire si je suis meurt vraiment en Christ. Il n'y a pas aucun fan qui peut me séduire. Amen. Il n'y a pas aucun fan qui me fait tomber dans le péché. Il y a une prière couchée à cette parole. Jusqu'à vraiment, après mon mari, vraiment, Dieu m'a fait grâce. Vraiment, c'est pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Sa parole est toujours l'épée qui frappe. Il peut te ranger tout ce qui n'est pas bon dans l'école de l'homme. Sois béni, mon frère. Amen. Merci en tout cas, King Jesse. Salutations à ton épouse. Hein. Merci. Merci, mon frère. Dis-moi, quel est ton bord? Un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Bonsoir à tous. Il s'appelle Ed sur la radio. Nagadev, Tilly, bonsoir. Bonsoir. Salut, madame. Madame Gessange. Bon, écrivez-moi. Ah, d'accord. Nagadev, Tilly, ce soir, salut, madame Gessange-Zoël, madame Bonnie Santal, sans oublier tous les auditeurs de Fréquence Vie. Signé Fatou Ndiaye. Merci à madame Yapo. Bonsoir Tidi, je suis Cadio Serge, je souhaite joyeux anniversaire à ma fille Sharon Moyer. Joyeux anniversaire à toi Sharon Moyer de la part de ton papa Cadio Serge. Quadio Rebecca s'est confessé, elle dit très colérique auparavant, Christ m'en a délivré. Oui, bonjour. Alors, c'est Adrien Gaumont. J'envoie ce message pour dire également merci à Dieu pour l'émission. Dis merci à Dieu qui passe en ce moment. Voilà, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai appelé à la radio tout à l'heure, mais je tenais également à laisser ce message parce que ce qu'il a fait est très grand. Que Dieu bénisse. Et puis, je salue l'animateur également pour sa vivacité. À très bientôt, merci. Il nous envoie cette note vocale via l'application VoxM. Vous aussi, vous pouvez le faire. Hein. Vous téléchargez l'application VoxM. Si vous avez iPhone, vous partez dans App Store. Et si vous avez un téléphone Android, simplement Play Store. Et vous tapez VoxM, V-O-X, espace M. Hey, pardon les transformations là. Ce n'est pas ce genre de transformation. Avant, je pouvais finir 3 casiers de beurre. Mais aujourd'hui, là, c'est un casier que je finis. Non, on ne parle pas de ça, c'est ça. 22-44-34-34. Attendez, j'ai trouvé une autre musique là rapidement. Je fouille. Attention, chers amis, mesdames et messieurs, que tu le veuilles ou non. Oui, si tu veux, tu l'acceptes. Si tu veux, tu ne l'acceptes pas. Mais Jésus-Christ viendra. Oui, il viendra. Stéphane Conan, il le dit en baoulé. Et salut vraiment, j'ai dit merci au Seigneur, il a changé ma vie, j'étais dans la débauche, l'alcool, le sexe, aujourd'hui je suis marié. Ah oui, j'ai lu ça. Je suis béni le nom de l'Éternel des armées, c'est de la part de Monsieur Coutoin. Alors pour nos amis qui ont chuté, on parlait, je crois, jeudi avec hier soir avec Christelle Nguessan, on parle de de sous-discipline, tout ça, il est important de suivre ces personnes-là avec l'amour surtout. Très important. 22-44, 2x34, je prends le dernier transformé et on se dira au revoir. N'oubliez pas, la rediffusion de votre émission Imineo, c'est dimanche à 16h00. Et pour ceux qui veulent appartenir au groupe WhatsApp, il n'y a de meilleure vie qu'en Jésus-Christ. Écrivez-nous au 41 20 98 03. 41 20 98 03. J'espère que vous appréciez l'ambiance de ce vendredi. C'est ainsi tous les vendredis à partir de 19h sur la radio. Et pour les enfants donc de 5 à 18 ans, il y a Vacances Vie, nous lançons Vacances Vie, un programme de ces vacances pour les enfants de 5 à 18 ans sur la radio. Attention, attention, frère de sœur en Christ, tu le veux, tu ne le veux pas, Jésus-Christ viendra. Ah. Ouais, oh. 19h passé de 57 minutes. Est-ce que je peux prendre encore un intervenant? D'accord. Je prends le dernier rapidement. Avant 2 minutes, là, on vous offrira de la très belle musique. Peut-être l'instru d'un titre. On pourra danser ensemble. Et on se dira au revoir. Bienvenue transformé. Quel est votre nom? Allô? Oui, bienvenue sur la radio, quel est votre nom? Blanco, c'est François. Pardon? Blanco. D'accord, nous t'écoutons mon frère. Nous t'écoutons? Oui. Ouais. Ben, c'est la fin, merci à tous ceux qui nous ont appelés, je vous envoie l'instru là, on va danser un peu. Merci à tous ceux qui nous ont appelés depuis 19h. Eh bien, le rendez-vous du Minéo, c'est vendredi à partir de 19h, pardon. Il est dimanche, c'est à 16h. Et pour ceux qui sont à l'écoute de la radio, qui nous ont écoutés là, vous avez entendu ces personnes-là qui avaient une vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour toi qui m'écoutes, oui, c'est possible de vivre cette transformation. Il y a mon frère qui parlait de masturbation, oui, mais malgré qu'il partait à l'église, mais aujourd'hui, quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Et il y a notre maman, missionnaire Kodolidi, qui a parlé un peu de tout ce qui est mysticisme, avant maraboutage, tout ça. Quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, sa vie a changé. Il y a aussi le bagarreur, il a braqué, volé, avec les armes blanches, les pistolets, tout ça. Aujourd'hui, c'est un pasteur, il est évangéliste. Avant là, il aimait frapper sa femme, il aimait battre sa femme, ou elle aimait tromper son mari, ou elle n'était pas soumise. Mais quand elle a compris ce que la Bible demande aux enfants de Dieu, leur vie a changé. Merci donc, la rediffusion de l'émission Imneo, c'est dimanche à 16h00. Je vous laisse avec cette chanson là. Avant, yo, j'ai des bagarres, yo, j'ai tout laissé pour marcher avec Jésus seulement. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson, demandez aux anciens là. Abraham Kobri ne connaît pas, bon, ils sont les nouveaux convertis. Excellente soirée, demain je serai avec vous pour démarrer la journée du samedi. Que Dieu nous garde. Merci, ciao. Hymnéo, votre émission dédicace sur Fréquence Vie.